Bonjour, mon nom est Thomas Dano et bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial. J'ai une invitée, Fauve Doucet. Fauve, présente-toi. Bonjour, mon nom est Fauve Doucet, comme Thomas l'a dit, et je travaille dans une agence média qui s'appelle Touché PhD, et je fais de la stratégie web, plus spécifiquement de la bannière. Je fais aussi beaucoup de CPC, de l'analytics, et ben c'est ça. Aujourd'hui, on est ici pour Bon, aujourd'hui, on est ici pour parler de PPC et médias sociaux, qui est souvent une partie qui est potentielle en lien avec les médias sociaux, mais qui peut l'être. Donc, c'est de ça qu'on va vous parler. Oui, souvent les gens parlent des médias sociaux, mais ils oublient souvent de parler de la campagne média qui est importante derrière tout ça. Parce que c'est bien beau avoir une bonne idée, avoir un bon concours ou avoir un bon vidéo qu'on veut tourner ça viral, mais s'il n'est pas supporté par une campagne média, souvent il n'ira pas où est-ce qu'on veut l'amener. Non, car il n'y a pas de magie sur les médias sociaux. C'est ça. Donc, Fauve, tu vas me parler en premier des Facebook Ads. Oui. En fait, Facebook nous permet de faire de la publicité, les petites bannières que vous voyez à droite de votre écran quand vous naviguez via Facebook. Mais on peut les acheter et on peut en fait pousser notre concours ou notre page Facebook via ces annonces-là. Et on peut cibler ce qui est intéressant par âge, par sexe, par ville et aussi par groupe d'intérêt. Alors, même si des fois vous voulez augmenter votre base de fans via un concours, c'est toujours important de se poser la question si c'est ces gens-là, c'est pas juste des courailleux de concours, mais c'est aussi des gens de qualité et des gens qui vont s'engager envers votre marque. Parce que c'est tout important de penser que vous voulez des nouveaux fans. OK, il y en a qui aiment beaucoup augmenter les chiffres. Mais en même temps, il faut que ça vienne faire un peu le ROI de la business. Si vous êtes là pour attirer des clients, donc si vous avez juste des courriers de concours, mais qui ne sont pas vraiment votre cible, ça ne va pas servir à grand-chose d'avoir plus de fans. Exactement. D'abord, quand on fait un concours, c'est pour attirer des gens de qualité, alors il faut garder ça en tête. Comme par exemple, si vous faites un concours sur une nouvelle ligne de maquillage d'une compagnie X et vous pourrez cibler des fans qui sont déjà partie du groupe MAC, exemple, les MAC le maquillage ou Maybelline, alors on va déjà chercher des gens qui sont intéressés à acheter des produits maquillage qui sont déjà engagés. Autre chose qui est très intéressant, c'est les social ads sur Facebook. On sait que pourquoi les gens trippent autant sur les médias sociaux, c'est que quand on voit quelqu'un ou un de nos amis qui aime une marque, on va être plus enclin à s'informer sur cette marque-là ou on la sent plus crédible parce qu'on a déjà un de nos amis qui l'aime. Alors, les social ads, qu'est-ce que ça permet? C'est via la même bannière Facebook. On peut en fait voir si nos amis ont aimé la publicité ou ont adhéré au site. Alors, ça augmente beaucoup le CTR, puis de cette façon-là, ça donne un petit côté viral à la publicité. T'en as-tu déjà fait? Social ads? Non, pas encore, mais je vous avoue, moi, je ne m'occupe pas vraiment de ça. Mais par contre, j'ai déjà participé à des plans médias qui avaient des Facebook ads, car des social ads, parce que, comme il faut vous le dire, c'est très important d'un mix média, d'avoir ça dans le tout. Ouais, vous essayerez parce qu'on peut vraiment voir une différence entre les bannières régulières et les social ads. Parce que, comme Fauve l'a dit, ça reste vos amis qui aiment une marque, donc vous êtes plus porté à aimer la marque si vous voyez que vos amis actuels aiment la marque. T'sais. aussi, pour backer un peu mon idée à quel point c'est important les médias via une campagne réseaux sociaux, c'est surtout que des fois, on pense qu'on va créer un concours ou on va créer une idée tellement forte que les gens vont la trouver tellement bonne qu'ils vont la communiquer à tout le monde. Alors, on se fie vraiment, justement, intrinsèquement à la nature de notre idée pour qu'elle se propage, puis on donne confiance dans le fond à la masse. Mais au contraire, moi, si je serais un client, j'aurais un peu peur. C'est pour ça aussi souvent que les clients ont peur de s'engager dans des campagnes de réseaux sociaux et qu'on leur conseille de soutenir ça avec une campagne média, ce qui nous garantit d'aller chercher une portée, ce qui nous garantit d'aller chercher un nombre X de personnes au minimum qui vont être au courant du concours. Puis après, si cette idée-là est forte, elle est bien partagée aux gens, les gens vont eux autres la rendre virale de leur manière. Mais c'est pas à nous autres de penser que automatiquement les gens vont communiquer notre message. Il faut s'assurer à la base de la communiquer cette idée-là, puis c'est pour ça qu'on fait des campagnes médias. Puis de plus fort en plus, ce que ça permet le PPC, c'est à long terme. Parce que si vous décidez de poursuivre la campagne, par exemple, pendant un mois, Mais c'est pendant un mois que du monde qui vont voir les publicités. Tandis que quand vous faites un concours, sur une page, vous lancez une fois, il va y avoir un gros boom le jour même, le lendemain. Mais plus le temps va avancer, moins le monde vont penser au concours parce qu'il date déjà. Mais avec les CPC, ça va être tout le temps un nouveau concours pour les visiteurs. Oui, mais ça, c'est intéressant justement de. Puis ça peut-être ça sort un peu du PPC, mais de quand vous faites une campagne, de la faire évoluer. S'il y a eu des gagnants, mais il y a peut-être comme une deuxième phase à la campagne ou une deuxième phase au concours, c'est de continuer dans le fond avec votre communauté que vous avez créée, de rallonger en fait toute cette expérience-là. Puis ça peut se faire aussi au niveau des bannières. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on dit à nos clients? C'est bon, vous faites une campagne d'environ une semaine, 2 semaines, peut-être via 5 mois, je sais pas moi, mais après 3 semaines, ce qui arrive avec les bannières Facebook, vu que les gens retournent et passent beaucoup de temps sur le site, il y a une grande fréquence. Ça, ce que ça veut dire, c'est que moi, Fauve, je vais voir la publicité au moins 6 à 7 fois. Mais après 7 fois, si j'ai pas cliqué dessus, c'est parce que la publicité ne m'interpelle pas. Alors, c'est pour ça que c'est important de changer les créatifs, que ce soit en faisant évoluer le concours, en mettant de nouvelles idées ou en disant cette semaine, tel gagnant a gagné, puis participer, mettre une nouvelle Oui, photo. ça c'est comme tout le temps l'importance, comme sur le web, des tests AB, faire des tests. Au prix que ça coûte de faire des Aussi. Facebook Ads, il faut justement vous permettre de faire changer l'image, changer une petite partie du texte, changer l'entête, tout changer afin de voir qu'est-ce qui pogne le plus et à travers le temps, tout le temps optimiser. Ouais. À part Facebook. Oui, quel autre réseau qui existe, Fauve, à part Facebook, qui est très populaire? Hein? Ben souvent on oublie YouTube parce que YouTube, d'abord et avant tout, c'est quand même un média social parce que tout le contenu est généré par les utilisateurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec YouTube? Ben, qu'est-ce qui est connu, c'est évidemment le pre-roll. Alors, c'est comme un spot de Que télé tout le qu'on monde met. aime vraiment voir un pre-roll avant d'écouter un clip, là. Oui, exactement. Mais ce qui est la Merci les bonne médias. mais la bonne nouvelle, c'est que ben, vu que c'est du contenu généralement court sur YouTube, d'environ 5 minutes maximum, ben ils nous laissent plus mettre de la publicité de 30 secondes. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'ils ont mis en place pour la publicité de 30 secondes le True View. On voit souvent ça, c'est après 5 secondes, vous pouvez en fait skipper ou peser sur un petit bouton. C'est comme un peu un catfish qui apparaît en bas. On peut la skipper la publicité. Puis ça, c'est bon aussi pour nos résultats, nous autres, en tant qu'annonceurs, parce que on paie pas pour des CPM ou des clics en fait que les gens voulaient pas voir la publicité. On va rejoindre beaucoup plus de gens qui sont intéressés à voir la publicité pour lesquels les gens sont intéressés. Ouais. Puis il y a une autre chose à part le pre-roll et le True View via YouTube. Qui est souvent oublié. Oui, c'est très utilisé aux États-Unis, mais pas encore beaucoup au Québec et au Canada. C'est le sponsored vidéo. Alors, si vous êtes un client puis vous avez du contenu vidéo à pousser, vous avez déjà un channel YouTube, vous pouvez payer au CPC, en fait, qu'on mette votre vidéo dans les résultats de recherche YouTube. Alors, vous achetez comme sur une campagne Google des mots-clés ou des réseaux quand vous achetez en content et en fait, on va voir votre publicité apparaître en haut à droite. Ben pas votre publicité, excusez-moi, je me suis mal exprimée, mais votre vidéo. Alors, quand les gens vont cliquer, ils vont tomber automatiquement sur le vidéo YouTube de votre compagnie. Alors, les CPC sont vraiment minimes. J'ai vu des résultats et ça vaut vraiment le coup au niveau de la notoriété puis au niveau des réseaux sociaux parce qu'on n'a vraiment pas l'impression que c'est de la publicité. Mais pourquoi les gens l'oublient, ceci? Parce que c'est plus compliqué à faire. Du tout. Au contraire, si vous êtes à l'aise avec la plateforme AdWords, parce qu'on sait que YouTube a été acheté par Google il y a de ça quelques temps déjà, on peut faire ça via Google AdWords. Vous achetez vos mots-clés, vous achetez vos réseaux, puis quand vous arrivez à choisir votre publicité, vous faites Sponsored vidéo, puis et voilà, il vous demande le lien pour rediriger à votre vidéo YouTube, puis le tour est joué. C'est super simple. C'est magique. C'est magique. Fauve, pourquoi est-ce que tu penses que les entreprises québécoises font moins de publicité? Pense moins à YouTube comme un réseau pour faire la publicité. Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas ou qu'ils pensent que c'est juste des vidéos en anglais que les gens regardent? Ben, peut-être qu'ils ont peur aussi de savoir où est-ce qu'ils vont arriver parce qu'on s'entend que vous pouvez choisir des mots-clés, vous pouvez choisir des channels, mais ça reste encore un peu abstrait à savoir où est-ce qu'on va être positionné. Puis souvent, au niveau de l'image de marque, on veut pas se ramasser sur des channels hardcore, de vidéos sexy ou des vidéos un peu trash badass si on est une campagne, en fait, de sensibilisation pour le sida, exemple. Mais encore là, ça pourrait. En tout cas, bref. Tout ça pour dire qu'on n'a pas beaucoup de contact, pas de contact, mais de contrôle sur notre marque quand on va sur YouTube. C'est sûr qu'il faut être vigilant, il faut regarder nos résultats. Mais de notre côté, je pense qu'on s'en va de plus en plus vers ce genre de contenu-là, du contenu généré par les utilisateurs. On parle de YouTube, mais il y a aussi Dailymotion qui va super bien. Puis, ce qui est intéressant, puis ce qui est le défi de tout média aussi, c'est vraiment de générer du contenu. Alors, à ce niveau-là, c'est généré par les utilisateurs, fait que les inventaires sont vraiment grands. Puis, c'est ce que tu disais que tu posais la question à savoir si les annonceurs avaient peur de se ramasser sur du contenu anglophone, mais on peut cibler aussi, même si c'est du contenu anglophone, les adresses IP des gens qui sont francophones et qui viennent de certaines villes. Alors, ça encore un choix au C'est niveau. plus sécure qu'on le croit, peut-être. Ouais, c'est sécure. Ben, c'est pas sécure au niveau du contenu, mais c'est Non, sécure au c'est ça. niveau des gens que tu cibles. Mais encore là, il faut toujours se poser la question. Moi, je trouve ça palpitant d'avoir notre métier aussi, c'est parce qu'il faut tout le temps un peu se mettre dans la peau de l'usager, puis en fait savoir user de notre intelligence par rapport à savoir comme des fois j'utilise pas toujours mon ordinateur que j'ai utilisé, mais j'utilise aussi l'ordinateur au travail, j'utilise l'ordinateur de mes amis. Alors faut savoir rejoindre les gens différemment. Parlant de rejoindre les gens, on rejoint bientôt la fin de notre podcast. Ha Donc, c'est tout. Merci, mon invité de cette fois-ci, Fauve Doucet. Fauve, Merci. où est-ce que les gens peuvent te trouver? Ben les gens peuvent me trouver professionnellement sur le site de toucherphd.com. Mais C'est quoi si vous Touché êtes. PHS? Est-ce que c'est un blog? Chez PhD, en fait, oui, c'est notre blog qu'on met d'abord et avant tout de l'avant, mais c'est aussi, en fait, une façon de promouvoir notre agence et de montrer qui on est, d'où on vient, notre équipe. Et pour ceux qui sont accros de musique, juste comme ça, je dis ça juste comme ça, j'ai un blog aussi musical où je mets un podcast à tous les mardis en ligne qui s'appelle le Tuesday Podcast à Fauve Doucet au www.fauvedoucet.com. Est-ce que tu es sur Twitter? Oui, je suis aussi sur Twitter. Je suis super multiplateforme. Alors, vous pouvez me rejoindre à FauveD, FauveD. Ben, c'est tout. Merci Thomas encore une fois. Et donc, à tous, je vous dis à une prochaine fois. C'était le podcast de Thomas Dano.